Tadiho. Séraphine Akizimana sur la mise en onde. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Les autorités judiciaires doivent collaborer avec l'administration et la police. C'est l'une des recommandations issues du Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole du gouvernement. En province de Bururi, on parle de lenteur dans l'exécution des jugements et le retour des dossiers jugés et exécutés dans les tribunaux. Et dans la province de Lomongue, au sud du Burundi, plus de 10 élus collinaires ont été suspendus de leurs fonctions en moins de 3 mois. La raison, les raisons sont notamment le détournement des biens publics et le concubinage. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons d'abord justice. Pour une bonne exécution des jugements, les autorités judiciaires doivent collaborer avec l'administration et la police. C'est l'une des recommandations du Conseil des ministres tenue mercredi lors de l'analyse du projet de loi portant modification de la loi régissant la Cour suprême. Dans un compte rendu du dit Conseil, Prosper Naogwamie, porte-parole et secrétaire général du gouvernement, fait savoir que l'introduction des modifications fait suite aux irrégularités constatées. Suivez. La Cour suprême est actuellement régie par la loi organique numéro 1/21 du 3 août 2019. Depuis son entrée en vigueur, les juges de la Cour suprême et les magistrats du parquet général de la République ont rencontré quelques dysfonctionnements liés à son application. De plus, les magistrats de l'administration centrale du ministère de la Justice y ont porté le même regard lors de l'examen des demandes de révision ou d'annulation des arrêts et jugements. En somme, il est devenu urgent d'introduire des modifications à la loi en vigueur pour donner suite aux décisions judiciaires entachées de mal jugés manifestes retenues par le Conseil supérieur de la magistrature. Rendre la Cour suprême plus opérationnelle et efficace dans sa mission de représentant du pouvoir judiciaire et de contrôle juridictionnel. Définir le mal jugé manifeste et mettre en place les dispositions régissant sa procédure. Confier la procédure d'annulation à la Cour suprême, siégeant toute chambre réunie. À l'issue de l'analyse, le projet de loi a été adopté avec les recommandations suivantes. Introduire la disposition qui rappelle que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais. Introduire une disposition qui indique que le président de la Cour suprême rend compte au Conseil supérieur de la magistrature, tandis que chaque président de juridiction est redevable devant le président de la juridiction hiérarchiquement supérieure. Préciser que le président d'un tribunal ou d'une cour doit veiller à la bonne application de la loi. Pour une bonne exécution des jugements, les autorités judiciaires doivent collaborer avec l'administration et la police. Il faut un suivi disciplinaire des magistrats par les présidents des cours et tribunaux. Sensibiliser les magistrats pour leur faire comprendre que l'indépendance de la magistrature ne signifie pas que le responsable d'une juridiction ne doit pas examiner et ou suivre les jugements qui sont rendus par les magistrats de sa juridiction. À l'article 172 qui indique que la Cour statue par un arrêt non susceptible de recours, préciser que c'est en cas de mal jugé manifeste. Justice encore pour vous dire que la lenteur dans l'exécution des jugements et le retour de certains dossiers jugés et exécutés définitivement dans les tribunaux sont parmi les préoccupations de la population dans le secteur de la justice à Bururi. Cela a été dit ce vendredi par le gouverneur de cette province. C'était au cours d'une réunion organisée par 4 ministères, dont celui ayant en charge la justice. La ministre Dominée Banyankimbona a appelé les responsables des tribunaux à suivre de près le travail des juges et à exécuter dans les délais les jugements rendus. Zénon Nzambiman. Parmi les grandes préoccupations de la population de la province de Bururi dans le secteur de la justice, figure la lenteur observée dans l'exécution des jugements, surtout pour les conflits fonciers et le retour de certains dossiers clôturés et jugés définitivement dans les différents tribunaux de la province de Bururi, selon le gouverneur de cette province. Pour cette lenteur observée dans l'exécution des jugements, Colonel Ndas Bandezamaso donne l'exemple d'un dossier qui a été traité et clôturé en 1992, dont l'exécution a eu lieu cette année. Il fait savoir que ces irrégularités dans le secteur de la justice à Bururi peuvent être à l'origine de l'insécurité. Cette autorité provinciale l'a souligné au cours d'une réunion organisée ce vendredi à Buruli par quatre ministères, dont celui de la justice. À ce sujet, la ministre de la justice a fait savoir que ces cas d'inégalité observés dans la province de Buruli sont déplorables, alors qu'il y a eu des initiatives cette année pour faciliter l'exécution des jugements rendus. Domine Banyangimbona appelle les présidents des tribunaux dans la province de Buruli à suivre de près le travail des juges à tous les niveaux et à tout faire pour que la mise en exécution des jugements rendus soit faite dans les délais. Concernant le manque de véhicules pour arriver sur le terrain, un des prétextes de certains juges pour expliquer son retard dans l'exécution des jugements, la ministre Domine Banyangimbona appelle les responsables dans ce secteur à Buruli à approcher le gouverneur de la province de Buruli pour trouver ensemble les véhicules à utiliser en attendant que ces tribunaux soient dotés de leurs propres véhicules. Depuis Buruli, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Plus de 10 élus collinaires sont provisoirement suspendus dans leurs fonctions en moins de 3 mois dans 3 des 5 communes de la province Rumonge. Parmi les accusations figurent le détournement des biens publics et le concubinage. Certains parmi les habitants de Rumonge saluent ces mesures et voudraient que de telles mesures soient également appliquées à leurs remplaçants en cas de défaillance. Plus de détails avec Jean-Pierre Misago. Les cas les plus récents de suspension provisoire donnée de fonction de chef collinaire intervenu le 16 mai 2023 ont concerné Niongabo Célestin Endaikengruki et Nestor, respectivement chef collinaire de Rumonyi et Murenge, toutes de la commune Burambi. Dans les correspondances et les suspendants sortis par l'administrateur communal de Burambi, le premier est accusé de s'être arrogé le droit d'attribuer intérêt domanial et le second est accusé de ne pas avoir fourni de la lumière sur l'utilisation des matériaux de construction d'une école fondamentale. Les deux s'ajoutent à ceux de Buyenzi et Buhinyuza de cette même commune, suspendus provisoirement de leur fonction de chef collinaire depuis le 7 avril de cette année en cours. Entre autres accusations contre eux, le détournement des biens publics et l'insubordination. Dans la commune de Rumonge, il s'agit de 4 chefs collinaires, à savoir celui de Mutambara, de Muhanda, de Nyakuguma et de Minago, suspendus provisoirement depuis mars de cette année. Entre autres accusations contre eux, le concubinage et le détournement des maisons destinées aux victimes de la récente montée des eaux du lac Tanganyika. De son côté, l'administrateur communal de Bugarama a même déjà saisi la commission électorale provinciale indépendante de Rumonge pour le remplacement urgent de 2 chefs collinaires limogé pour concubinage et destruction massive et vente des arbres d'un cimetière et plusieurs autres élus collinaires ayant volontairement démissionné ou ayant déménagé vers d'autres localités, comme l'a décidé le conseil communal de Bugarama, réuni le 25 mars de cette année. Certains parmi les habitants de Rumonge saluent ces mesures de suspension des leaders ayant failli à leur mission et voudrait que l'autorité compétente applique les mêmes mesures, même aux remplaçants qui ne s'acquitteront pas convenablement de leurs tâches. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les routes qui sont en mauvais état et les conducteurs de véhicules ne respectant pas le code des routiers sont certains des obstacles provoquant des accidents. Lieutenant-colonel de police et commandant adjoint de la police routière, Niongabo Désiré, ajoute que certaines sociétés d'assurance ne donnaient pas l'indemnité aux sinistrés de ces accidents. Suivez. Ibitera amasanganya kurusha ibindi harimo ibihambaye gusumba na cyane cyane amabarabara yacu ingene yubatse ingene ameze. Les principales causes des accidents sont multiples, à savoir les mauvais temps de route, l'ivresse et la vitesse exagérée de ces conducteurs de véhicules. Je voudrais remercier le gouvernement burundais de sa mesure prise de disponibiliser la police SCAN pour éviter l'excès de vitesse dans le but de diminuer les accidents. Les formations apprises dans les auto-écoles ne suffisent pas. Ce qui est nécessaire, c'est de sensibiliser les conducteurs des véhicules. Cependant, nous les sensibilisons, mais ils ne respectent pas le code routier. Dans notre pays, il y a ce qui manque dans les autres écoles. Il n'y a pas dans l'auto-école de véhicules de poids lourds, sauf la formation simple de son proche et va passer un test de gagner un permis de conduire, alors qu'ils ne savent pas beaucoup à rapport avec le code routier. Je ne comprends pas comment l'assurance ne donne pas l'indemnité aux sinistrés, alors que son partenaire n'accomplisse pas les conditions de conduire. Dans ce cas, il devrait le régulariser très rapidement pour que ces saisies puissent diminuer. Le commandant adjoint de la police routière, Niongawo Désiré, était traduit en français par Clovis Nyonguru. Les enseignants éducateurs de la province scolaire Kayanza sont appelés à servir de modèle dans la redynamisation de l'enseignement apprentissage des langues. Propos de Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Il l'a dit ce vendredi soir au terme d'une représentation théâtrale faite par les enseignants du lycée de Kayanza. La pièce théâtrale était bien entendu en français. Patrick Nsengiumva depuis Kayanza. Une pièce théâtrale intitulée « La traversée du désert » est celle qui a été représentée la nuit de ce vendredi par les enseignants éducateurs du lycée Kayanza. D'après des enseignants actuels dans la représentation de cette pièce de théâtre, l'objectif de cette activité rentre dans le cadre d'éveiller les esprits des élèves en ce qui est de la représentation des pièces de théâtre et surtout la redynamisation de l'enseignement apprentissage des langues, surtout le français qui est une langue d'enseignement au Burundi. Mais mes propos avec Juvenal Monihanguye, directeur du lycée Kayanza. Celui-ci fait savoir que cette pièce de théâtre sera représentée également au sein d'autres établissements scolaires, surtout ceux à régime d'internat, afin de prêcher de modèle aux élèves et aux enseignants d'ailleurs. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, salue cette initiative des enseignants du lycée Kayanza en ce qui est de la revalorisation de la représentation théâtrale au sein des écoles. Selon lui, d'autres enseignants devraient les prendre pour modèle dans l'organisation de différentes activités visant la redynamisation de l'enseignement apprentissage des langues et surtout le français. Sylvain Bakanibona, lui, le conseiller du gouverneur en Kayanza chargé des affaires socio-culturelles, voit que la représentation des pièces théâtrales dans des écoles contribuerait également dans la redynamisation de la culture et des groupes culturels au sein de ces mêmes écoles. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva va pour la radio. Le manque de soutien technique et financier et le désintéressement sont les uns des facteurs empêchant les filles à exhiber leurs talents. Ce sont là les propos d'Annie Espérance Tubisa-Humana, présidente de l'organisation Warubizi. C'était ce vendredi lors d'un concours organisé pour la première fois sous le thème Mukenyezi Wengingi Terambele, traduit littéralement en français par la femme pilier du développement. Trois parmi les huit participantes ont eu des prix. Annie Espérance Tubisa-Humana appelle les filles burundaises à vaincre la timidité et exhiber leurs talents en vue d'aboutir au développement. Et puis, les préparatifs vont bon train pour les joueurs de l'équipe nationale de football. Ils se préparent pour le match contre la Namibie qui sera livré le 20 juin à Dar es Salaam en Tanzanie. Cela a été dit ce samedi par le sélectionneur de l'équipe nationale lors d'une conférence de presse animée ce samedi. Concernant les noms des anciens joueurs qui ne se trouvaient pas sur la liste des convoqués, Étienne Ndaïra Guigé répond que la sélection se fait selon les performances. Il tranquillise la population que la victoire est garantie pour cette rencontre. On a un match très important le 20 juin, le mois prochain. Comme vous savez, tout le monde, c'est la Namibie. C'est un match qui va nous relancer encore dans la course pour la qualification. Donc, on suivait de près tous les joueurs pendant cette courte période après les matchs amicaux en Indonésie. Donc, c'est un travail qui continue, qu'on avait déjà commencé en Indonésie. Voilà ce qu'on a pu suivre, qu'on espère et qu'on pense. Ils vont nous aider, ils vont faire le boulot qu'on attend, que tout le monde aimerait avoir. Donc, on a quatre gardiens de but. Il y a Rukund Onesim, Ndikumana Justin, Mutombo Fabien, Bizimana Aladin. Il y a Mukombozi Derek, Ndaishimia Yusuf Nyange, Ndwarugira Christophe Lucho, Areimana Rachid Léon, Muhindo Colin, Shimirimana David, Liongola Jordi, Kazombo Kilongwa Richard, Kamsoba Elvis, Waymas Marco, Shimirimana Ismaël Dipichu, Shimirimana Jospin, Moussore Arlon, Bigriman Abedi, Guillaume Mogisha Jean-Claude, Nahiman Chassil, Vouyekoure Emmanuel, Manu, Irakoze Donaciano, Mossi Trezo, Niongavide Pacifique, Bimenimana Bonfils Caleb, Berahino Saido, Shabani Hussein Chabalala, Kanakimana Bienveni Deco, Chubaka Lukengane, Chris Pardinho. On suit de près tous les joueurs, voir que si les combinaisons entre eux, que ça pourra nous donner ce qu'on attend de tout le monde. C'est mieux qu'on mette de l'effort à ceux qui sont appelés, parce que c'est eux qui vont nous représenter obligatoirement. Il n'y a pas la raison de penser qu'il n'est pas là ou qu'il n'est pas convoqué. Donc c'est normal, c'est l'équipe nationale, c'est pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à donner du résultat. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de ces questions de choix entre que nous, en tant que staff, on a vu qu'on aimait travailler à ceux qui sont là pour donner le maximum de ce qu'on attend de leur part. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Akizimana pour la collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Vue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre emplacement maintenant. Iwatu revient dans son éditorial sur le Forum national sur le développement, deuxième édition, tenu du 20 au 21 avril, avec pour thème Vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. D'après ce journal, une opinion a qualifié cette vision d'utopie, de rêve, d'illusion. Des optimistes, y compris certains grands chercheurs, estiment quant à eux qu'elle est réaliste, faisable. Et l'éditorialiste du journal Iwatu de nuancer l'optimisme de certains. Il ne suffit pas d'avoir un sous-sol qui regorge de minerais ou d'autres ressources à la base du développement. Il faut d'abord changer de mentalité, adopter des pratiques qui visent le respect de la chose publique, notamment la transparence dans le processus de passation des marchés publics, conclut l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwatu. Fonctionnaire fictif, simple fraude ou phénomène, s'interroge Burundi Echo, qui fait remarquer qu'au Burundi, la question liée à l'existence des salariés fictifs de l'État est devenue légendaire. Depuis plus de 10 ans, rappelle son confrère, les fonctionnaires fictifs apparaissent dans les dossiers du ministère de la fonction publique, malgré la modernisation des moyens de listing des fonctionnaires dans cette institution. Cependant, regrette-t-il, la lumière n'a jamais été donnée sur ce cas. En 2022 et en 2023, l'alerte a été encore donnée, note Burundi Echo. On a l'impression que le deal continue. Des centaines de fonctionnaires fictifs ont encore été débusqués. Mais qui seraient les vrais auteurs de ces détournements des deniers publics via le listing des salariés de l'État? De toutes les façons, lance cet hebdomadaire socio-économique, une enquête est nécessaire et toute la lumière devrait être donnée sur ce dossier. Le projet Kugwiza, une solution pour les agro-éleveurs, écrit l'agence burundaise de presse, qui reprend les propos de l'assistant du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Emmanuel Ndorimana, qui a procédé jeudi 24 mai 2023 au lancement officiel du projet Kugwiza visant à accélérer la mise à disposition de technologies, outils et pratiques de production agricole qui aideront les petits exploitants agricoles à accroître leur productivité, leur efficience et leurs revenus. Financé par l'USAID, ce projet prévoit d'atteindre 500 000 agro-éleveurs d'ici 2024, précise l'ABP. Revue de la presse. Le lycée Vouguizo remporte la finale du tournoi des clubs amis du FISC, rapporte la voix de l'enseignant. En effet, explique ce journal, l'Office burundais des recettes OBR a organisé un tournoi des clubs amis du FISC basé sur des questions-jeux, questions-réponses sur le civisme fiscal. 4 équipes sur 70 ayant participé à la compétition avaient été retenues pour la phase finale qui a eu lieu en date du 20 mai 2023 au Cercle de l'Alliance de Gitega. Il s'agit du lycée Vouguizo, le lycée Sainte-Famille de Kanyinya l'école d'excellence de Makamba et l'école d'excellence Moussinzira. Selon cet hebdomadaire de l'éducation, les encadreurs et les élèves apprécient que ce tournoi porte sur le contenu du module de formation sur le civisme fiscal déjà disponible dans leurs écoles respectives. Les blogueurs Yaga sont allés à la rencontre d'un élève de l'école d'excellence de Makamba. Coqueluche des médias depuis quelque temps, comme il est décrit, François Toumoussavzeye, sous 16 ans, serait un génie en devenir de la tech. VOA Afrique et d'autres médias locaux ont annoncé qu'il aurait conçu une application qu'il a appelée FASASU, un acronyme de ces deux noms, François et Toumoussavzeye. Après avoir testé FASASU, les blogueurs de Yaga ont créé leur propre application. Et le constat est que FASASU, l'application du jeune homme, semble avoir les mêmes features que Telegram, comme l'avait annoncé VOA Afrique. Et un expert contacté par ses confrères de Yaga dit à propos de François Toumoussavzeye et FASASU, ce n'est pas exactement sa propre application, mais il faut l'admettre, il est passionné. Même si le jeune n'a pas conçu cette application au sens propre, cet expert de renom promet d'offrir un stage de quelques semaines à François Toumoussavzeye dans la conception d'applications. Peut-être parce qu'il a réalisé le potentiel que le petit possède, écrit toujours Yag. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.